tout ça. Mitewuti assure la mise en onde. Merci auditeurs, auditrices de la radio Isangane de garder l'écoute de votre station préférée. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont c'est d'abord l'essentiel. C'est dans quelques deux heures que la Commission électorale nationale indépendante procède à la proclamation des résultats provisoires issus du triple scrutin tenu le 20 mai. Mais en attendant, quelles sont les voies légales prévues pour faire recours une fois les résultats sont contestés? Vous en aurez les détails tout à l'heure. Des ex-étudiants de l'Université du Burundi qui grognent suite à la lenteur de leur diplôme non entériné depuis 3 ans. La commission chargée de ces opérations tranquillise. Et comme à l'accoutumée, tout le lundi, vous avez droit à la chronique sportive. Et aujourd'hui, le Taebo est au rendez-vous. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais tout à l'heure, certains anciens étudiants de l'Université du Burundi se plaignent de la lenteur de l'obtention de leur diplôme entériné qui devrait être octroyé par cette institution. Ils disent qu'ils viennent de passer 3 ans et plus ayant fait la commande de ces diplômes mais ne sont pas encore entérinés. Ces anciens étudiants de l'Université du Burundi demandent aux autorités habilitées de résoudre cette question. Les détails avec Ezekiel Ndikumenayo. Ces anciens étudiants de l'Université du Burundi de différentes facultés déplorent et le moment d'attente pour le retrait définitif de leur diplôme. Ce n'est pas du tout compréhensible. Nous avons fait la commande des diplômes et ils ont été finalisés à être confectionnés. Aujourd'hui, le retrait provisoire des diplômes est conditionné du paiement de 10 000 francs, alors qu'on devrait en retirer définitivement à 20 000. Il y a du ça ne va pas pour les étudiants du nouveau système BMD qui nécessite une correction. Ça fait déjà 3 ans que nous avons terminé le bac et il y a même ceux qui ont déjà terminé il y a 4 ans. Quand nous saisissons les services habilités, ils nous demandent toujours d'attendre. Nous ne savons pas où réside le problème. Ces derniers disent en outre que certains d'entre eux ont raté leur chance de bourse d'études et de boulot. Toutefois, ils demandent d'être rétablis dans leurs droits. C'est déplorable d'entendre que tu as terminé l'université alors que tu n'as pas de papier justificatif, mais aussi si tu présentes un diplôme non entériné ou une attestation de réussite. Il y a aussi une différence parce qu'il y a des institutions qui n'acceptent pas ces documents-là. Nous sommes en train de rater les chances de l'emploi par manque de ce diplôme entériné. Il y a aussi ceux qui ratent les chances des bourses d'études à l'étranger. Il faut que les responsables de l'Université du Burundi pensent aux conditions de vie de les anciens étudiants qui en majorité sont à l'intérieur du pays. C'est déplorable de payer des frais de transport maintes fois à la recherche de ton diplôme, mais sans succès. Selon les anciens étudiants de cette institution, la commission chargée de l'entraînement des diplômes se borne surtout dans des universités privées que publiques. Merci Ezekiel Ndikumenayo sur toutes ces inquiétudes. La présidente de la commission chargée de la commission d'entraînement des diplômes dit que malgré ces certains défis auxquels se heurte sa commission, elle reste à l'œuvre. Anastasie Gassogo demande plutôt aux responsables des services académiques et des universités de préparer ces diplômes entérinés et inviter cette commission. Suivez Anastasie Gassogo, présidente de cette commission, et ses propos ont été recueillis par Ezekiel Ndikumenayo. Je voudrais d'abord préciser que la commission est composée d'un petit nombre de membres. Nous sommes aujourd'hui en 11 qui peuvent entériner les diplômes. Et parmi les 11, chaque fois qu'on a une séance, ce n'est pas tout le monde qui vient parce qu'ils ont d'autres occupations. Finalement, pendant une séance, on n'entérine pas assez de diplômes souhaités par les institutions. Le deuxième problème, c'est que la commission ne peut pas aller dans une institution pour entériner des diplômes sans invitation. Parce qu'il y a un travail préalable qu'il faut faire. Il faut rassembler les dossiers, il faut les préparer, il faut être sûr que ces dossiers contiennent les documents nécessaires. Et quand ce travail n'a pas été fait et que nous ne sommes pas invités, vous comprenez que la commission ne peut pas se rendre dans une institution comme ça sans invitation parce que ce n'est pas la commission qui prépare les dossiers. La commission analyse les dossiers et entérine les diplômes. Le problème qui est soulevé à l'Université du Burundi, c'est qu'ils avaient un certain nombre assez élevé de diplômes de l'ancien système qui n'étaient pas encore entérinés. Je pense qu'ils ont privilégié d'abord l'ancien système. Par la suite, il y a eu un problème de modèle de diplôme. Il y a eu un problème de remplissage des diplômes dans les facultés. Et finalement, je pense qu'il faudrait quand même qu'on fasse attention pour qu'on puisse alterner. Si aujourd'hui on entérine des diplômes de l'ancien système, qu'on puisse faire les diplômes du nouveau système à la prochaine séance. Et je pense que les institutions doivent faire un effort à ce niveau-là. Si les gens disent qu'on va dans le privé, c'est que le privé nous invite. Et encore, même dans le privé, ce n'est pas tout le monde. Les responsables des institutions sont interpellés pour qu'on puisse préparer ces diplômes-là et qu'on puisse les entériner au fur et à mesure. Au niveau des institutions, il faut qu'elles fassent leur devoir, que les services académiques se pressent un peu pour préparer les dossiers et nous inviter pour l'intérim. C'était Anastasie Gassogo, elle est présidente de la commission chargée d'entériner les diplômes. Les préparatifs au concours national donnant accès à l'école pour ses fondamentales vont bon train à l'école EFATA pour les sourds-muets. Togasséni, située en zone Guihosha au nord de la capitale Bujumbura, comme confirmé par le directeur AI ad intérim de cet établissement. Zabiron Hurunziz a fait savoir également que c'est la première fois que cette école participe à ce genre de concours national. On va revenir sur cet élément. Et en page politique, je vous le disais tout à l'heure, c'est dans quelques 2 heures de ce lundi que la Commission électorale nationale indépendante procède à la proclamation des résultats provisoires issus du triple scrutin tenu le 20 mai. C'est le contenu d'une note sortie par le président de la Commission électorale nationale indépendante ce dimanche. Et entre-temps, la loi électorale prévoit qu'à chaque niveau, les mandataires des partis politiques et les candidats indépendants ont le droit de formuler les recours éventuels. L'article 81 indique que si la Cour constitutionnelle relève des irrégularités susceptibles d'influencer d'une façon déterminante le résultat du scrutin, elle annule l'élection en tout ou en partie. Les détails avec Charles Makoto. Pour l'élection des conseils des collines ou de quartier, les recours éventuels sont adressés à la commission électorale communale indépendante dans les 3 jours calendriers qui suivent la proclamation provisoire des résultats. La commission électorale communale indépendante statue dans les 6 jours calendriers qui suivent. Les requérants non satisfaits peuvent interjeter appel devant la commission électorale provinciale indépendante en ayant 4 jours calendriers de la signification de la décision. La commission électorale provinciale indépendante statue dans un délai de 4 jours calendriers suivant la saisine. Les décisions de la commission électorale provinciale indépendante sont définitives. L'article 74 montre que pour l'élection des conseils communaux, les candidats des partis politiques, des coalitions, des partis politiques et des candidats indépendants ont le droit de formuler des réclamations éventuelles. Les recours sont adressés à la commission électorale provinciale indépendante dans les 2 jours calendriers qui suivent la proclamation provisoire des résultats. La commission électorale provinciale indépendante statue dans les 3 jours calendriers qui suivent. Le requérant non satisfait peut interjeter appel devant la commission électorale nationale indépendante en ayant 3 jours calendriers de la signification de la décision. La commission électorale nationale indépendante statue dans un délai de 4 jours calendriers suivant la saisine. Les décisions de la commission électorale nationale indépendante sont définitives. Après compilation de tous les résultats du scrutin, la commission nationale indépendante dresse un rapport des opérations électorales sur l'ensemble du territoire qu'elle communique sans délai à la population. La commission électorale nationale indépendante transmet sans délai les résultats de cette élection à la Cour constitutionnelle qui en vérifie la régularité. L'article 77 montre que la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle doit intervenir au plus tard le 9e jour calendrier à partir de celui de leur transmission. Avant de procéder à la proclamation officielle des résultats du scrutin, la Cour constitutionnelle vérifie au vu des documents lui transmis par la Commission électorale nationale indépendante et la régularité du scrutin. Si la Cour constitutionnelle relève des erreurs purement matérielles, elle procède à la collection des résultats erronés. L'article 81 montre que si la Cour constitutionnelle relève des irrégularités susceptibles d'avoir pu influencer d'une façon déterminante les résultats du scrutin, elle annule l'élection en tout ou en partie. L'article 82 montre que si l'effet application des dispositions de l'article 81, le président président de la Cour constitutionnelle adresse sans délai une expédition de la décision d'annulation au président de la République, aux candidats intéressés, au ministre et à l'intérieur dans ses attributions, ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante. La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître le recours en matière des élections présidentielles, législatives et référendaires. L'article 85 montre que la Cour constitutionnelle ne peut être saisie que par une requête écrite. Cette requête doit être récite au greffe de la Cour dans un délai de 3 jours calendrier qui suivent la proclamation provisoire des résultats du scrutin. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens, la Cour constitutionnelle pourra éventuellement lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces. La Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 8 jours calendrier pour statuer si la requête introduite. Le droit de contester une élection appartient aux partis politiques, candidats indépendants ou coalitions intéressées et à toute personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription concernée. Merci Charles Makota. Après une courte pause, page justice au rendez-vous. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h08 dans les yeux de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Une année de servitude pénale et une amende de 50 000 francs burundais chacun. Tel est le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Ngozi à l'endroit de 6 militants du parti CNL de la commune de Marangara, province Ngozi. Ils ont été arrêtés le jour du dernier scrutin accusés de fausses écritures falsifiées. C'était des lettres d'accréditation des mandataires de ce parti. Ils rejettent ces accusations, expliquant qu'ils n'étaient pas au courant de cette situation. D'autres disent qu'ils ont informé immédiatement la commission électorale communale indépendante après avoir douté de l'authenticité de ce document. Ils demandent par conséquent leur libération et de poursuivre l'autorité de ce parti qui a distribué ces accréditations. Parlons commerce à présent. Et manque à gagner son remarque au niveau des recettes de la commune Gisagara de la province Changhuzo suite au coronavirus qui a occasionné la fermeture d'un marché dit international. Le marché situé entre la commune Gisagara et l'arrondissement de Gakongo en Tanzanie. C'est l'administrateur de la commune Gisagara qui le dit, mais les commerçants qui exerçaient leur métier dans son marché, malgré la perte à laquelle ils font face, ils se réjouissent de sa fermeture dont l'objet est d'éviter la propagation du Covid-19. Le reportage de Gérard Nibikira. Ce marché dit international est situé dans la zone Tampo qui sépare la commune Gisagara en province de Changhuzo et l'arrondissement de Gakonko de la province Ngara en Tanzanie. Les Burundais et les Tanzaniens se rencontrent dans ce marché. Comme l'indique l'administrateur de la commune Gisagara, Nyonize Jonas, explique que ce marché a été créé à la fin de la guerre civile des années 2000 au Burundi dans l'objectif de renforcer la familialité entre les Burundais qui s'étaient réfugiés en Tanzanie et se restaient au pays en vue de faciliter le retour volontaire de ces réfugiés. Il précise que dès l'apparition du coronavirus, le marché est fermé pour éviter des éventuels cas de contamination, ce qui a alors occasionné la réduction des recettes communales qui étaient essentiellement prélevées sur le petit bétail, le volaille et les fruits, surtout les avocats et d'autres marchandises que les Burundais vendaient dans ce marché. Cela étant, les commerçants qui exerçaient dans ce marché aussi parlent d'une certaine perte consécutive à sa fermeture. Toutefois, ils s'en réjouissent du moment que la principale raison de sa fermeture est d'éviter la propagation du coronavirus. L'administrateur de la commune Gisagara promet que le marché sera réouvert aussitôt que le coronavirus aura disparu. Depuis Changhuzo, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Revenons sur l'élément en rapport avec l'éducation. Les préparatifs au concours national donnant accès à l'école pour ses fondamentales vont bon train à l'école Efata pour les Somiwe de Gasenyi, située en zone Gihosha au nord de la capitale Bujumbura, comme confirmé par le directeur ad intérim de cet établissement. Zaburon Nkurunziza fait savoir également que c'est la première fois que cette école affronte ce genre de concours national. Au point avec Aimé Richard Niyonkuru. Pas n'importe qui peut détecter ce qu'ils disent, mais c'est leur langage au quotidien. Ce sont des élèves sourds-muets de l'école Epata, située à Gasenyi, c'est dans la zone Gihusha, au nord de la capitale économique du Burundi, dit chez Johnson. Epata, une langue d'origine hébreuse qui signifie « ouvre-toi ». Trois de ces enfants se préparent au concours national, donnant accès à l'école post-fondamentale, et le train est en marche, lentement mais sûrement, comme nous l'a fait savoir Alexis Nimubona, l'encadreur enseignant de ces élèves. Les élèves sont en train de faire des exercices d'entraînement, des tests que les autres ont fait dans les années passées et puis réviser la matière qu'ils ont déjà vue dans les cahiers. Tous les élèves qui étudient sur cette école sont des élèves sourds, muets seulement, pas d'autres élèves qui ont une autre handicap. Prenons par exemple, il y a des écoles qui ont des élèves, les uns qui sont qui ont une handicap physique. Quant à Zaburon Nkurunziza, directeur de cet établissement secondaire, cette année présente une particularité à cette école, car, dit-il, c'est la toute première fois que son établissement participe à un tel concours national. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il passe le concours, parce que dans les années passées, quand il passait le concours en sixième année, ils ont participé. Mais cette année-ci, c'est la première fois en 9e année. L'école Epata pour les sourds-muets abrite 124 enfants, tous sourds-muets, trois parmi eux se comptent parmi les 20 élèves à besoins spécifiques, candidats au concours national sur tout le territoire du Burundi, comme l'a annoncé Jean-Pierre Ndilahisha, ministre burundais de l'éducation, dans sa récente déclaration à cet effet, et ces derniers se préparent en conséquence à cet examen. Merci Aimé Richard Niyonkuru et vous nous excuserez sur cet élément sonore qui n'était pas du tout fameux. Et l'équipe Aigle Noir, avant de passer à la chronique sportive, l'équipe Aigle Noir de Makamba a égalisé un but partout avec le Kinzo lors d'un match aller comptant pour la demi-finale de la Coupe du Président édition 2020. Ce match a été livré samedi au stade Intwari de Bujumbura à 15h. L'autre match sera joué ce mardi au même stade où la formation Interstar va affronter Musongati FC de Gitega. L'autre actualité sportive qui a marqué la semaine écoulée, c'est la reprise du championnat national de la deuxième division. L'équipe Delta Star de Gatumba a été battue en but à 0 par Wuhumuza FC au moment où Unité FC s'est inclinée 6 buts à 1 face à Garage FC. Tout de suite, chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. Le taebo est un sport pratiqué avec les parties supérieures et inférieures du corps à l'aide de différents outils sportifs. C'est l'explication d'un enseignant de l'éducation physique, en même temps entraîneur de discipline de taebo. Landry Mugisha fait savoir que ce sport peut contribuer à guérir certaines maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension. Les détails dans cette chronique sportive préparée par Fidèle d'Antoine Sabiman. Le taebo, qui signifie en anglais « Total Awareness Excellence Body Obedience », est un sport d'entraînement complet couvrant les deux parties inférieures et supérieures du corps. Cela est dit par Landry Mugisha, l'enseignant de l'éducation physique, en même temps entraîneur de taebo. Le taebo est la discipline d'entraînement complet couvrant les deux parties inférieures, à savoir les hanches, les cuisses et les fessiers, et les muscles du haut du corps, à savoir les poitrines, les bras et les épaules. Pour pratiquer le taebo, on utilise les jambes et les mains, on fait les abdos, on utilise les bâtons, on utilise les récortes, tout ça. Cet entraîneur de taebo indique que ce sport est différent de gym tonique. Le gym tonique est le sport routine et mosaïque, tandis que le taebo est la discipline de tous les niveaux et l'origine de tout. Selon Landry Mugisha, le taebo peut contribuer à guérir les maladies chroniques. L'importance de pratiquer le taebo est l'engagement total envers tout ce que vous faites, conscience de vous-même. Le but est le vrai dans tout ce que vous faites. Le corps en tant que la force de changement total. L'obéissance à votre volonté et à votre véritable désir de changement. Landry Mugisha affirme que lorsque le pratiquant de Taïbo arrête de jouer à ce sport, les muscles ne fonctionnent pas comme il faut. Quand tu travailles le Taïbo et tu le laisses, les conséquences musculaires ne sont pas négligeables puisque le muscle devient moins hâté à répondre à un effort. Vous perdez l'endurance et la force. Landry Mugisha précise que le Taïbo a été créé en 1980 par un Américain, Billy Blanks, après avoir remporté 7 fois successives le championnat international de taekwondo. Merci fidèle d'Antoine Sabimane. Ainsi s'achève cette édition, mais avant de nous séparer, je vais juste vous rappeler que dans quelques heures, la Commission électorale nationale indépendante va procéder à la proclamation des résultats provisoires issus du triple scrutin tenu le 20 mai. Et vous avez entendu, en attendant, les voies légales de recours qui sont prévues une fois que les résultats de ces élections sont contestés. Point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Akizimana qui l'a mise en onde. Deli Nibé Nibigra, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.